vérité, je ne suis pas Ruy Blas. J'étais premier en classe, j'ai pas continué, mais j'ai plein d'idées de quoi me rattraper. Et l'avenir doit nous sourire si tu veux m'aider. Du bien, tu n'auras peur de rien, accroché à mon dos. On n'ira pas loin, Saint-Cloud, Saint-Germain, les Baléares, c'est pour plus tard, peut-être demain.